connaissance, nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Venir louer, chanter le nom merveilleux de Jésus. Chantons ensemble.